Ésaïe chapitre 46. Bel s'est incliné sur ses genoux, Nebo est renversé, leurs faux dieux ont été mis sur des bêtes, et sur les juments, les idoles que vous portiez ont été chargées, elles ont été un fait aux bêtes lassées. Elles se sont courbées, elles se sont inclinées sur leurs genoux ensemble, et n'ont pu éviter d'être chargées, elles-mêmes sont allées en captivité. Maison de Jacob, écoutez-moi, et vous, tout le résidu de la maison d'Israël, dont je me suis chargé dès le ventre, et qui avait été porté dès la matrice. Je serai le même jusqu'à votre vieillesse, et je vous chargerai sur moi jusqu'à votre blanche vieillesse, je l'ai fait, et je vous porterai encore, je vous chargerai sur moi, et je vous délivrerai. À qui me compareriez-vous, et à qui m'égaleriez-vous? À qui me feriez-vous ressembler, pour dire que nous fussions semblables? Ils tirent l'or de la bourse, et pèsent l'argent à la balance, et louent un orfèvre pour en faire un dieu, ils l'adorent, et se prosternent devant lui. On le porte sur les épaules, on s'en charge, on le pose en sa place, où il se tient debout, et ne bouge point de son lieu, puis on criera à lui, mais il ne répondra point, et il ne délivrera point de leur détresse ceux qui crieront à lui. Souvenez-vous de cela, et reprenez courage, vous, transgresseurs, et revenez à votre sens. Souvenez-vous des premières choses qui ont été autrefois, car c'est moi qui suis le Dieu fort, et il n'y a point d'autre Dieu, et il n'y a rien qui soit semblable à moi. Qui déclare dès le commencement la fin, et longtemps auparavant les choses qui n'ont point encore été faites, qui dit, mon conseil tiendra, et je mettrai en exécution tout mon bon plaisir. Qui appelle d'Orient l'oiseau de proie, et d'une terre éloignée un homme qui exécutera mon conseil. Et je parlais, aussi ferai-je venir la chose, je l'ai formée, aussi la mettrai-je en effet. Écoutez-moi, vous qui avez le cœur endurci, et qui êtes éloigné de la justice. J'ai fait approcher ma justice, elle ne s'éloignera point, et ma délivrance ne tardera point, je mettrai la délivrance en Sion pour Israël, qui est ma gloire.